bout du vélo que le roux a mal monté. Trop cool petit corbeau sur ton arbre perché. Trop cool mais c'est pas cool, j'ai crevé dans la forêt. Comment je vais faire pour rentrer chez moi? Oui, comment je vais faire pour pas passer la nuit dans ce bois, papa? Il est déjà trop tard, la nuit commence à tomber. Maintenant je comprends mieux ce qu'a ressenti le petit pouce. Derrière un arbre, un lapin qui se met à parler à une petite fille qui essaye de le semer. Pourquoi ma petite Alice as-tu l'air si pressée? Pourquoi ma petite Alice cours-tu dans la forêt? Oui, c'est moi le lapin et je te rattrape. Cours, cours ma petite Alice dans ce monde imaginaire. Cours, cours ma petite Alice, prends une tasse de bière. Te permettent de grandir. Si tout va bien dans quelques temps, ils te feront partir. Si tout va bien dans quelques temps, ils te feront même jouir. Oui, c'est moi le lapin et je te rattrape. Cours, cours ma petite Alice dans ce monde imaginaire. Cours, cours ma petite Alice, prendre une tasse de bière. Qui disparaît et réapparaît dans ta vierge forêt. Oui, c'est moi le lapin et je te rattrape. Cours, cours ma petite Alice dans ce monde imaginaire. Cours, cours ma petite Alice, prendre une tasse de bière. Tu t'éclates la gueule par terre, là tu te dis c'est terminé. T'as raison, je suis un lapin élevé par des abeilles. Et une abeille, ça pense qu'à butiner. Oh oui, c'est moi le lapin et je te rattrape. Oui, c'est moi le lapin et je te rattrape. Viens jouer avec madame de pique, la pie nous sera sympathique. Viens jouer avec madame de pique, la pie nous sera sympathique. Viens jouer avec madame de pique, la pie nous sera sympathique. Avec madame de pique, la pie nous sera sympathique. J'ai encore de l'énergie pour toi, mademoiselle. J'ai encore de l'énergie, je marche à la Duracell. Hey, la pie nous sera sympathique, longtemps. La pie nous sera sympathique, longtemps. La pie nous sera sympathique, longtemps. La pie nous sera sympathique, longtemps. La pie nous sera sympathique, longtemps. La pie nous sera sympathique, longtemps. La pie nous sera sympathique, longtemps. La pie nous sera sympathique. Pourquoi ma petite Alice si pressé, pourquoi ma petite Alice cours-tu dans la forêt? Oui, c'est moi le lapin et je te rattrape. Cours, cours ma petite Alice dans ce monde imaginaire. Cours, cours ma petite Alice, prendre une tasse de bière. Crevé dans la